الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس تعلمون جميعا أن من أركان الإيمان ستة الإيمان باليوم الآخر وإن من أعظم ما يكون فيه الحشر أي جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف الجمع يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم وفي القرآن الكريم تجد آيات كثيرة في هذا الموقف العظيم بل ربع القرآن يتعلق بهذا الأمر العظيم يقول الله سبحانه وتعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ويقول تبارك وتعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وقال سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وأنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا يتحملون الحديث أيها الناس أيها المسلمون يبعثكم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيبعث الله سبحانه وتعالى ويحشر الله سبحانه وتعالى جميع الخلائق في صعيد واحد لا يتأخر عنه أحد ولا مفر عنه لأحد الكل يبعث على ما مات عليه كما أخبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم والكل يستجيب لداعي الله قال الله سبحانه فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع الآية فالكل يخرج من قبره ويتوجه مسرعا إلى أرض المحشر. قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. أما كيفية، أما صفات أرض المحشر، قال الله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. الآيات. وفي الصحيحين من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. قال الله: يومهم بارزون، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال العلامة المفسر ابن كثير رحمه الله: أي ظاهرون بادون كلهم، لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم. الكل يحضر الحشر، حتى البهائم أيها الإخوة. قال الله: وحشرناهم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكل آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه: وإذا الوحوش حشرت. فالكل يحشر ويجمع بأرض المحشر. أما الكيفية، أما صفات الناس يوم الحشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم لمحشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام، رواه البخاري ومسلم. يحشر الناس جماعات جماعات، كل مع من أحب، كل مع من اتبع، والمرء مع من أحب. قال الله سبحانه وتعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وقال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: لنحشرن الشياطين، لنحشرن الشياطين قرناء لهم. ومن أصنافهم من يحشر أصم وأعمى. هذا شأن من أعرض عن القرآن والسنة، قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن هؤلاء من لم يتق الله، من لم يتق الله من التجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى وبر وصدق، أي إلا من تاجر في الحلال وصدق إذا حلف ولم يغش الناس. ومنهم المتكبرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال ذر، أي النمل في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولاس، فتعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبل أو الخبال. فهذا يوم عظيم أيها الإخوة، لا بد أن نستعد له بإفراد الله عز وجل بالعبادة وباتباع نبينا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبتوبة النصوح من جميع المعاصي والذنوب. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Parmi les six piliers de la foi, il y a la foi au jour dernier. Et parmi les grands points de la foi au jour dernier, le fait d'avoir comme croyance ferme le fait qu'Allah Azza wa Jal va tous nous ressusciter et tous nous rassembler sur une seule et même place. Le grand rassemblement, Al-Hashr, fait partie des grands points de la foi au jour dernier. C'est-à-dire qu'Allah va faire revivre l'ensemble des créatures et les réunir sur une seule et même place le jour de la résurrection, afin de faire les comptes, afin de les juger, afin d'établir la justice. Et un quart du Coran traite de ce sujet. Dans Sourat Qaf, Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset: le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, c'est-à-dire les morts en son sein, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Dans Sourat At-Taghabun, le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Dans Sourat Al-Waqi'ah, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Dans Sourat et dans Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, Allah rassemblera les premiers et les derniers sur une seule et même place. Ils entendront celui qui les appellera. Ils entendront celui qui les appellera et leur regard se dirigera vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala va tous nous ressusciter, va tous nous rassembler sur une seule et même place. Personne ne manquera à l'appel, ni un homme, ni une femme, ni une personne âgée, ni un nouveau-né. Ce jour-là, tu verras les gens ivres, mais ils ne le seront pas. C'est plutôt le châtiment d'Allah qui est terrible. Ce jour où les enfants auront les cheveux blancs, le jour du rassemblement, Allah subhanahu wa ta'ala va réunir l'ensemble des créatures. Il nous dit dans son livre, dans Sourate Al-Qamar, détourne-toi d'eux le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse. Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant le cou tendu vers l'appeleur. Voici le jour du grand rassemblement. Voici le jour du grand rassemblement. Tout le monde sortira de sa tombe. Tout le monde accourra sur la place du jour dernier. Dans Sourate Taha, ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Les gens seront ressuscités. Personne ne pourra parler à voix haute. Ils seront terrorisés. Quant à la description de la terre du jour du jugement, ça n'est pas cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour où on transformera la terre en une autre terre. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les gens seront ressuscités le jour de la résurrection sur une terre blanche, sur une terre blanche, pure, telle une galette de pain. Et il n'y aura aucun signe pour personne. C'est une terre blanche. Certains savants ont dit, car sur cette terre, Allah n'a pas été désobéi. Elle n'a pas été noircie par les péchés des serviteurs. Dans Surat Ghafir, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah l'unique, le dominateur. Ibn Kathir nous dit, ils seront apparents. Tout le monde sera apparent. Personne ne pourra se cacher. Personne ne pourra se cacher. Sur le jour de la place du jugement dernier, personne ne pourra se couvrir avec quoi que ce soit. Ils seront tous apparents et Allah Azza wa Jal les verra tous. Même les animaux seront ressuscités. Même les animaux seront ressuscités. Ceux à qui nous n'avons pas révélé le Coran et nous n'avons pas envoyé le messager, sallallahu alayhi wa sallam, même eux seront appelés, même eux seront jugés, à un point tel que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit qu'on établira la justice entre le bélier cornu et celui qui ne l'était pas. On lui accordera des cornes afin qu'il remette les coups qu'il a subis. Dans Surat Kahf, Al-Kahf, Allah nous dit le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée, c'est-à-dire comme une plaine, et nous les rassemblerons sans en omettre un seul, il ne manquera personne à l'appel. Tout le monde sera rassemblé pour le jour de la résurrection. Dans Surat Maryam, Allah nous dit le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du Tout Miséricordieux. Il nous dit également le jour où les fauves seront ressuscités. Quant à la description des gens, le jour du grand rassemblement. Quant à notre description, le jour du grand rassemblement, nous serons ressuscités d'une manière qui montre la grande puissance d'Allah Azza wa Jal, sa volonté et sa pleine capacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô vous les gens, vous allez être ressuscités, pieds nus, nus, et non circoncis. Puis il a récité la parole d'Allah dans Sourate Al-Anbiya, tout comme nous vous avons fait, tout comme nous avons commencé, nous la recommençons. Allah nous a créés et il nous refait à nouveau comme nous l'avons été, nus, pieds nus, non circoncis. Et le premier qui sera habillé sera Ibrahim alayhi salam. Certains savants ont dit, car lorsqu'il a été jeté dans le feu par son peuple, le feu a brûlé ses vêtements où il a été dénudé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les gens seront ressuscités de trois manières différentes, dans trois catégories différentes. La première, ceux qui sont ressuscités et marcheront à pied. La deuxième, ceux qui sont ressuscités et seront sur des montures. La troisième, écoutez bien la puissance d'Allah Azza wa Jal, ceux qui sont ressuscités sur leur visage. Alors un compagnon a dit au messager d'Allah, mais comment pourront-ils marcher sur leur visage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui a été capable de les faire marcher sur leurs pieds dans ce bas monde est pleinement capable de les faire marcher avancer sur le visage dans l'au-delà. Alors ils essayeront d'éviter les épines et d'éviter toute chose nuisible. Les gens seront ressuscités par paire, par groupe, les gens pieux avec les gens pieux, les pervers avec les pervers, les égarés avec les égarés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sourate Maryam, le jour où les gens pieux seront ressuscités vers le tout miséricordieux et que les pervers seront conduits au feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, ressusciter ceux qui étaient injustes et ceux qui leur ressemblent, ainsi que ceux qu'ils adoraient. Allah subhanahu wa ta'ala nous jure en disant, Fawarabbik, je jure par ton Seigneur, nous allons tous les ressusciter ainsi que les démons, les diables, puis ils seront amenés autour du feu, agenouillés. Les shayatines seront ressuscités avec les mauvaises personnes. Ceux qui se sont éloignés du rappel d'Allah dans ce bas monde seront ressuscités aveugles. Ils seront ressuscités aveugles, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Il lui dira, de même que nos signes t'étaient venus et que tu les as oubliés, aujourd'hui tu es oublié, c'est-à-dire délaissé. Parmi ceux qui seront ressuscités d'une forme très avilie, il y a les commerçants qui ne craignent pas Allah, ceux qui vendent et achètent sans se soucier du regard d'Allah, ceux qui achètent de l'illicite, revendent de l'illicite, ceux qui jurent par Allah en mentant pour écouler leurs marchandises, ceux qui trahissent le dépôt, c'est cette catégorie de commerçants. Le prophète alayhi salat wa salam les a appelés, ô vous les commerçants, sachez que les commerçants seront ressuscités en tant que pervers le jour de la résurrection, sauf celui qui est pieux, celui qui tient son engagement lorsqu'il jure, et celui qui est véridique. Ô vous les commerçants, craignez Allah Azza wa Jal, et sachez que vous serez questionnés sur ce commerce le jour dernier, et selon votre comportement envers les gens, vous serez ressuscités. Parmi une autre mauvaise catégorie, les orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les orgueilleux sont ressuscités le jour de la résurrection comme des petites fourmis. Comme des petites fourmis sous l'apparence humaine. L'humiliation les couvrira, l'ignominie les couvrira de toutes parts. Et ils seront conduits vers une prison de l'enfer qu'on appelle Bohlas. Alors ils seront touchés par le feu et seront abreuvés des déchets parmi les liquides des habitants de l'enfer, tel le sang et le pu. Il y a également les criminels. Allah Azza wa Jal nous les décrit en disant, tu verras les criminels enchaînés les uns aux autres. Enchaînés les uns aux autres, leur tunique sera faite de goudron, voici comment ils seront ressuscités. Il y a également la situation de celui qui refusait de sortir la zakat. Ô toi qui Allah a accordé l'argent, ô toi qui Allah a accordé des biens, si tu ne sors pas la zakat, écoute ce hadith. Écoute ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas de personne détenant de l'or et de l'argent et qui ne s'acquitte pas de leurs droits, c'est-à-dire la zakat, sans qu'on lui prépare le jour de la résurrection des plaques de métal. Des plaques de métal. Le métal pour lequel il ne payait pas la zakat, certains ont dit, il sera chauffé dans le feu de l'enfer et on placera cela sur ses côtes. On placera cela sur ses côtes, son front et son dos. À chaque fois qu'elles refroidiront, on les fera réchauffer. On les fera réchauffer dans le feu, puis on lui mettra. Vous savez pendant combien de temps, mes chers frères? Vous savez pendant combien de temps, mes chers frères? Et cela durant un jour de 50 000 ans. La hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui ne sort pas la zakat, voici sa menace. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite une autre menace. Il nous dit que celui qui ne sort pas la zakat le jour de la résurrection, Allah azza wa jal lui enverra un serpent. Allah azza wa jal lui enverra un serpent à deux têtes. Il l'étranglera et le mordra au visage et lui dira, je suis ton argent, je suis tes biens. Voici le résultat de ne pas sortir la zakat. Parmi les gens de la résurrection, il y a ceux qui tendaient la main et demandaient de l'argent alors qu'ils n'étaient pas dans le besoin. Allah dit, ils seront ressuscités sans peau, sans viande sur le visage. Ainsi nous dit le prophète alayhi salat wa salam. Il y a également ceux qui espionnaient et tentaient d'écouter les dialogues des gens en cachette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils seront ressuscités et on leur versera du plomb fondu dans les oreilles. Qu'Allah nous en préserve. Voici le jour de la résurrection. Voici le jour du grand rassemblement. Il nous faut à tous nous préparer pour ce jour. Car ce bas monde est une terre de passage. Certains nous ont précédés et nous allons sans aucun doute les rejoindre. Et la différence ce jour-là n'aura lieu qu'à travers la piété. Celui qui a eu de nobles caractères envers Allah son créateur, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam son messager, envers ses parents qui l'ont mis au monde, envers l'ensemble des gens, il sera ressuscité d'une noble manière. Quant à ceux qui se sont montrés ingrats, qui se sont montrés injustes et ont opprimé les serviteurs d'Allah, ces derniers seront ressuscités comme vous l'avez entendu. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pour finir, on invoque en faveur de notre grand-oncle Simba la Doucouré, qui est le chef de notre tribu, il est décédé il y a très peu. C'était l'un des plus âgés de la mosquée et il a occupé de nombreuses années les premiers rangs de cette mosquée. Il s'est prosterné, incliné et adoré Allah Azza wa Jal dans cette mosquée et dans d'autres. Et il nous a donné de nobles recommandations. Parmi les dernières recommandations que j'ai écoutées de lui lorsque je l'ai visité, il y a eu qu'il m'a dit. Il m'a dit, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir. Il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, l'arabe et le non-arabe. Et l'ensemble des personnes ayant prononcé Al-Shahada s'unissent sur cette vérité. Ainsi je vous transmets cette noble parole qui est en réalité le conseil du prophète alayhi salatu wa salam. Qui est en réalité le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On invoque donc Allah en sa faveur. Allahumma aghfir lahu warhamhu. وعافه واعف عنه وارفع درجاته في الجنة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك